protéique nouvellement formée. Cette trame protéique, elle s'appelle comment? L'os ostéoïde. D'accord? Donc, cet os ostéoïde nouvellement formé sera donc peu ou pas déminéralisé. D'accord? C'est-à-dire, nuance, le volume osseux est normal. Contrairement à l'ostéoporose. On verra ça dans l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est un os poreux. C'est-à-dire, vous avez un volume osseux qui est justement très affaibli. Voilà, qui est très diminué. Dans l'ostéomalacie, ce n'est pas le cas. Donc, le volume osseux est normal. Vous avez un remodelage qui se fait. Vous avez un remodelage qui se fait, mais qui est altéré. Ce remodelage est altéré par un défaut de minéralisation de la substance osseuse nouvellement, ostéoïde, nouvellement formée. C'est une substance donc, qui est peu ou pas minéralisée et on va assister à un état d'hyper-ostéoïdose. D'accord ? On va assister à une accumulation de franges, d'accord, ostéoïdes, peu ou peu minéralisées, qui va donner donc un aspect mou à la trame osseuse. Donc, notre minéralisation est assurée par le calcium et la vitamine D, sous l'influence de quoi? La PTH, d'accord, sous l'influence de la PTH et de... Il y a aussi la vitamine D actuellement, elle est impliquée, d'accord. Il y a des études qui disent qu'il y a une action directe de la vitamine D sur l'os, d'accord, sur donc le remodelage osseux. Donc, cette minéralisation, elle dépend de quelle... Donc, elle est sous la dépendance donc, du calcium, du taux de calcium et du phosphore. Gardez ça. Elle est sous l'influence du taux de calcium et du phosphore sous l'action de la vitamine D, d'accord, qui va permettre, bien sûr, donc à ces deux donc paramètres, à l'os nouvellement formé, d'être minéralisé. Alors, par définition, donc, on assiste à quoi? Un état, généralement, d'hypovitaminose D. Donc la vitamine D, elle est... Donc la source principale de la vitamine D, c'est quoi? Principalement la peau. Solaire. D'accord? Principalement solaire au niveau donc des... La peau. Les couches profondes au niveau de l'épiderme, on a sous l'action des UV, d'accord? On a le cholécalciférol qui se transforme... Voilà. Calcitriol. Puis, première hydroxylation et au niveau du fatigue. Deuxième hydroxylation au niveau du rein. Vous prenez une vitamine D active. D'accord, qui est la 1,25 dihydroxyde D3. L'hydroxylation hépatique, donc la 25 dihydroxyde D3. L'apport alimentaire, d'accord, n'est pas très riche en vitamine D. Il est très pauvre. Il ne devient crucial que si on a une carence solaire, d'accord. Cette carence solaire peut se voir moins dans certaines situations, dans les pays mal ensoleillés, chez généralement certaines femmes qui sont tout le temps confinées chez elles, donc chez les personnes donc de peau pigmentée, d'accord. La pose de crème solaire, des fois, attention, oui. La pose de crème solaire, tout ça va diminuer donc justement donc la vitamine D, le taux de vitamine D qui va favoriser la survenue donc de cette ostéomalacie. D'accord, c'est clair? Bon, le tableau clinique, il est bon. C'est un tableau clinique qui est très banal et c'est une pathologie donc qui, généralement, le diagnostic n'est pas assez précoce. Il n'est pas très précoce. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui tournent pour des douleurs banales. C'est donc au stade, donc, arrivant à un certain stade, d'accord, c'est-à-dire avancé, où le diagnostic est très souvent posé. C'est-à-dire le tableau clinique, il est tellement banal, des douleurs sourdes, mal systématisées, mal interprétées par le médecin, par le malade lui-même. C'est la cause du retard diagnostique. C'est des patients qui viennent, qui vous disent « j'ai mal, mais ce n'est pas très très clair ». D'accord ? Vous faites votre examen, vous ne retrouvez rien de clair au début. Arrivant à un stade donc avancé, surtout un stade d'accord de démarche dandinante, de syndrome pseudo-homéopathique où notre attention est attirée et on a eu un cas récemment dans le service, une jeune fille qui avait une maladie cœliaque méconnue, qui était hospitalisée par un médecin. Au cours de la visite, on avait évoqué ce diagnostic. Elle est dans le service depuis le mois de mars, en exploration. Non, c'est pour vous dire, attention, c'est pas facile de poser le diagnostic donc, d'une ostéomalacie, sauf à un stade avancé. Parce que le tableau clinique n'est pas clair, c'est-à-dire c'est des douleurs qui sont... Le patient n'arrive pas à décrire sa douleur et le médecin ne trouve rien de concret chez le malade. En examinant le malade. Et le bilan phosphocalcique, il peut être tout à fait normal au début. D'accord ? Le dosage de la vitamine D, c'est vrai, on a l'avantage maintenant de le faire, de le pratiquer donc assez rapidement, mais avant, on ne faisait pas, on n'avait pas la possibilité de faire le dosage de la vitamine D. La calcémie, donc, elle est normale, elle est phase hyper parasecondaire. Donc, on a une calcémie donc, périphérique sanguine, qui est compensé par un état d'hyperpara qui va masquer, d'accord, qui va masquer donc cette carence calcique. Voilà. Donc, le tableau clinique, je vous dis, donc, c'est un tableau qui n'est pas stéréotypé, qui n'est pas clair. C'est des patients qui présentent des douleurs osseuses, mal systématisées, qui siègent électivement au niveau de l'axe pelvirachidien, au niveau dorsal, presque jamais cervical, d'accord ? Donc généralement c'est l'axe pelvirachidien, d'accord ? Lombo-pelvien, pardon. C'est surtout l'axe lombo-pelvien, des douleurs thoraciques, d'accord ? Des douleurs au niveau des parties osseuses périphériques, des douleurs mécaniques, donc qui ne réveillent pas le malade la nuit. Donc, à un stade plus avancé, le patient rapporte la notion de myalgie. C'est l'hypophosphorémie par carence en vitamine D ou bien dans le cadre d'une carence isolée en phosphore parce qu'il y a des ostéomalacies en rapport avec juste une carence isolée en phosphore. D'accord. Donc, c'est des patients qui commencent à rapporter la notion de myalgie. Puis, il y a donc un déficit musculaire qui va s'installer dans un tableau donc, pseudo-myopathie, surtout pour les membres inférieurs, à l'origine d'une démarche dandinante. Et c'est des patientes qui sont très souvent hospitalisées aussi en neurologie pour des tableaux de pseudo-myopathie, alors qu'il s'agit tout banalement, et très souvent on a ce type de malade, pour une ostéomalacie. D'accord ? Donc, devant un tableau pseudo-myopathique des membres inférieurs, ayez le réflexe de penser à une ostéomalacie avec une démarche dandinante. Un stade plus avancé, c'est la survenue de fractures osseuses pathologiques, voilà, suite à de chutes, des fois très banales. D'accord ? Donc, l'examen clinique, généralement, c'est des sujets donc, qui présentent. Donc, il vous dit que je suis en train de diminuer des tailles. On note une diminution de la taille. Des fois, c'est des passements vertébraux qui sont à l'origine de syphose, syphoscoliose, avec un raccourcissement de l'espace costo-iliaque. D'accord ? C'est des patients qui sont comme ça. Voilà. Par passements vertébraux étagés, généralement. Étagés. Et c'est des passements dits en biconcave. Généralement, c'est... Je vais vous schématiser ça. Bon, voici les types de tassements vertébraux. On peut avoir un tassement vertèbre nouvelle, un tassement cubiforme, un tassement bien dit parfois aussi unitrochaque, d'accord? Un tassement bicrochaque, d'accord? Un tassement bicrochaque, d'accord? Voilà. Un tassement en coin cunéiforme. Et un passement dit en galette. En galette. D'accord? En galette. Un passement en galette. Un passement cupuliforme ou bien uniquement calme. Un passement bipancale, un passement cunéiforme, un passement en galette. Convention malassie, généralement, c'est des passements qui sont bipancales, vraiment ce qu'on appelle un aspect de vertèbre en poisson. D'accord? Un aspect de vertèbre en poisson, source de cyphose, ou bien carrément cyphoscoliose lombaire. D'accord? Comment poser le diagnostic d'une ostéomalacie? Alors, la radiographie, c'est une étape très fréquente, oui. La radiographie, donc elle est bon, un stade de début, la radio peut être normale. Et un stade un peu plus avancé, on a un aspect ce qu'on appelle sale. Bon, il y a certains clichés qu'il va falloir demander. C'est surtout, donc, le mot que l'ostéomalacie touche principalement les os plats, c'est-à-dire là où il y a le maximum d'os spongieux, d'accord, pas d'os cortical. C'est surtout au niveau des os plats, là où il y a un maximum d'os spongieux. Donc toujours demander, devant la suspicion d'une ostéomalacie, un rachis dorsolombaire face profil, à la recherche de tassements vertébraux, spécifiquement dans bicancave en poisson, un rachis du bassin face, d'accord. Un rachis, un gris postal, et je vais vous dire pourquoi, et des rachis des deux fémurs. Si vous avez au bassin, déjà vous avez le diagnostic, je n'ai pas besoin de passer dans, à toutes ces explorations radiologiques, ok? Parce que vous avez ainsi pathognomonie, et on va le dire, d'accord? Donc, sur la radiographie du bassin, donc, quel est le signe pathognomonique à rechercher sur le plan radiologique. Sur une radiographie du bassin face. Oui. Bassin. Le pelvis. C'est l'aspect délavé. Vous avez un aspect de mauvais cliché. Donc ce qu'on appelle un aspect délavé. Un aspect délavé. Un aspect de mauvais cliché. Pourquoi? Je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi cet aspect délavé? Déminéralisation. Parce que vous avez un aspect de déminéralisation mais qui n'est pas homogène. Vous avez un endroit qui est donc minéralisé de façon normale. Donc, de façon contiguë, vous avez un endroit qui est peu ou pas minéralisé. Un autre endroit peu minéralisé, un autre bien minéralisé, et ça donne cet aspect délavé ou bien un aspect de mauvais cliché. D'accord? Surtout sur la radiographie du bassin et sur, principalement sur la radiographie du bassin de face. Un stade plus avancé, quel est le signe radiologique le plus pesant à rechercher? C'est les fissures de Gouzère Mittmann. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Regardez ces fissures, c'est simple. C'est ce qu'on appelle. Regardez là. D'accord. Regardez là. C'est ce qu'on appelle les fissures de Xenickman. Attention, c'est de l'os non minéralisé. C'est de l'os spongieux non minéralisé. C'est-à-dire, c'est pas une fissure, c'est pas une fracture, c'est une, bon, l'aspect de pseudo-fissure, d'accord, grosseur, sans fissure de fissure, c'est de l'os non minéralisé. D'accord. Ok, c'est des crânes osseuses, mais qui ne sont pas minéralisées. Et ce type de fissure, d'accord, il faut savoir les rechercher. Vous passez, passez l'image, passez. Encore, voilà. Regardez là. Alors, c'est des traits, d'accord, radio-transparents, qui sont généralement perpendiculaires à l'axe de l'os. Ils sont généralement perpendiculaires à l'axe de l'os. Et il s'agit tout banalement d'os non minéralisés. Et quand ils sont présents au niveau d'un os long, surtout au niveau des fémurs, bien des tibias, ils peuvent être source de fractures. D'accord. Ils peuvent être source de fractures. C'est un signe pathognomonique très simple et très banal à rechercher systématiquement. C'est clair? D'accord. Alors, sur le plan biologique, quel est le plan biologique? Un peu de silence, s'il vous plaît. La calcémie est très souvent normale parce que on a un état d'hyperpara qui vient compenser, d'accord, cette carence calcique. D'accord. Deuxièmement, la phosphorémie, elle est toujours basse. D'accord. Et c'est pathognomonique. À la différence de l'ostéoporose ou bien de l'hyperpara, dans l'ostéoporose, le bilan phosphocalcique est toujours normal, sauf dans l'ostéoporose sénile, où on a généralement une carence vitaminocalcique chez les sujets âgés, on peut trouver donc un taux de calcémie bas. Mais sinon, la phosphorémie, elle est toujours normale dans l'ostéoporose et dans l'hyperpara, toujours élevée. La calcémie, phosphorémie, toujours élevée. D'accord. Donc, dans l'ostéoporose, la phosphorémie, elle est toujours basse. Au niveau urinaire, on a une, c'est important, c'est très important, une hypocalciurie constante. C'est pas comme la calcémie, d'accord. La calciurie, donc, elle est très souvent très basse. La phosphaturie, de même. Ok. Le dosage de la vitamine D, on a la possibilité maintenant de doser la vitamine D3, qui est très souvent effondrée. D'accord. Donc très souvent effondrée. Les normes, normalement, donc elle doit être supérieure à 30 nanogrammes. Donc, carentiel moins de 10. D'accord. Déficit entre 10 et 20. D'accord. Non. Elle est effondrée dans le cadre d'une ostéomalacie. L'apparat hormone, si on a la possibilité de la faire aussi, d'accord, elle est généralement légèrement élevée. C'est un état d'hyperparathyroïdisme mineur. D'accord. C'est un état d'hyperparathyroïdisme mineur, sauf si, et on a vu assister à certains types d'ostéomalacie, donc venus sur une chaise roulante, où le taux d'hyperpara était légèrement bas. Prononcé, vu la durée assez longue d'évolution de cette osteomalacie. Mais généralement, elle est légèrement élevée. Pas très élevée, comme dans l'hyperpara primaire. Bien tertiaire. D'accord, c'est clair? Donc, quels sont les types d'osteomalacie qu'on peut voir? Quelles sont les causes? Vas-y. Carentielle. Carentielle, très bien. Donc, les ostéomalacies carentielles, généralement, dans ce cas-là, c'est surtout, donc la carence alimentaire ne devient cruciale que s'il y a une carence, donc, sensorielle. Ok, voilà. Donc, carentielle toujours en dose de la vitamine B, dans certaines situations, qui sont les... Non. Carence en vitamine B, en calcium, les gastrectomies, donc étendues. Les gastrectomies étendues, où on a une surface d'absorption de la vitamine B et du calcium limitée. D'accord. Et l'acidité déjà gastrique qui peut altérer, d'accord, la réabsorption de la vitamine B et du calcium. Donc les gastrectomies élargies, mais généralement c'est des osteomalacies qui surviennent après 4-5 ans d'évolution. Donc c'est pas dans l'immédiat. C'est d'où l'intérêt de toujours surveiller des malades gastrectomisés, toujours supplémentés en calcium et en vitamine D. Deuxièmement, on a la cause principale, la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, d'accord, défaut de réabsorption, donc la vitamine D, du calcium et du phosphore. Vous avez aussi les insuffisances biliaires. C'est des vitamines qui sont, la vitamine D, elle est liposoluble. Les pancréatites, la même chose, par absence de lipase, d'accord, liposoluble. Donc, on peut assister donc à des états de rachitisme, d'osteomalacie carentielle. Encore, les sections étendues de migraine. D'accord, les résections étendues, ça diminue aussi la surface d'absorption de la vitamine D et du calcium. À côté des osteomalacies carentielles, qu'est-ce que vous avez comme autre cause? Par trouble du métabolisme de la vitamine D en elle-même. C'est-à-dire que vous avez une altération de l'hydroxylation, d'accord, de la vitamine D. Parce que la vitamine D active, c'est la 1,25-D3. C'est la forme la plus active, d'accord. Quand vous avez donc une altération du métabolisme de la vitamine D, ceci, parce que le rôle de la vitamine D, c'est quoi? C'est favoriser la réabsorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal et favorise la minéralisation osseuse aussi. Donc, quand on a un défaut de métabolisme de la vitamine B, ceci va engendrer, donc, à coup sûr, une osteomalacie secondaire. Donc, au niveau hépatique, par insuffisance hépato-biliaire, d'accord, les hépatopathies chroniques, les cirrhoses hépatiques, d'accord. À côté de ça, au niveau hépatique, vous avez les consommateurs de barbiturates, les épileptiques. Voilà. Par quel mécanisme? Donc c'est l'hydroxylation. Ces épileptiques, ces barbiturates, s'opposent à l'hydroxylation. Ils vont empêcher l'hydroxylation de la vitamine D au niveau hépatique par induction enzymatique, ce qui va engendrer donc un taux de vitamine D mais qui est inactif. Parce que la vitamine D absorbée n'est pas active. Donc c'est après donc la première et la deuxième donc hydroxylation que ça donne le métabolite actif de la vitamine D. Au niveau du rein, la même chose. Donc une insuffisance rénale avec ou sans dialyse. D'accord? Surtout avec dialyse. Donc vous avez par défaut d'hydroxylation aussi rénale de la vitamine D, mais aussi Donc, oui. Un défaut d'absorption à ce niveau de phosphore. Oui. Attention, quand vous avez une insuffisance rénale, d'accord, vous avez un défaut d'absorption tubulaire du phosphore qui vient encore aggraver. D'accord. Donc, le déficit en vitamine B. Donc, vous avez aussi les protéinuries. Quelle que soit l'étiologie, vous avez une fuite des protéines porteuses donc de la vitamine D. Et ceci va engendrer secondairement une carence en vitamine D. D'accord. À côté des ostéomalacies, donc, par trouble du métabolisme, vous avez certains forces congénitales, d'accord, assistées. Vous avez donc par hypophosphorémie, c'est des formes généralement donc, dues à une hypophosphorémie, par des états d'hypophosphorémie. Vous avez donc l'ostéomalacie, donc vitaminorésistante, dépendante de type 1. Le type 1, c'est le syndrome de Prader. Normalement, vous venez de le faire. Non. C'était pas cité. Donc, c'est donc, le type 1, c'est donc, le syndrome de Prader, où vous avez un défaut d'hydroxylation, d'accord, rénale de la vitamine D. Un défaut d'hydroxylation de la vitamine D au niveau rénal, par mécanisme génétique. Donc, c'est une maladie à transmission autosomique récessive. Et on a un défaut d'hydroxylation de la 25-hydroxy de la vitamine D au niveau rénal et on assiste à des formes de rachis d'ostéomalacie depuis le bas âge avec des déformations des masses osseuses donc assez importantes qui peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte dans ce qu'on appelle une ostéomalacie secondaire. Le type 2, dans ce cas-là, au contraire, on a une résistance de l'action. On n'a pas de défaut de d'hydroxylation rénale. Le taux de la R25 d'hydroxyde 3 est tout à fait normal. Mais plutôt, on a une résistance à l'action de cette vitamine B. C'est-à-dire, si on s'amuse à doser la R25 d'hydroxyde 3, le taux il est très élevé. Ce n'est pas normal. Il est très, très élevé, mais elle est inactive. Et ça donne des formes très, très déformantes. Généralement, est très, très résistante à la vitamine B. Vous avez aussi les formes hypophosphatémiques, d'accord, dans le cadre de certaines situations, telles que le syndrome de Fanconi, où vous avez, parce qu'une carence isolée en phosphore, un des métabolites nécessaires pour la minéralisation osseuse, même avec un taux de calcium normal, on va assister à une ostéomalacie typique, et c'est des formes dont le traitement relève d'une supplémentation en phosphore. D'accord. Le syndrome de Fanconi, je vous donne un exemple, le syndrome de Fanconi, où vous avez une fuite amino, donc glucophosphoré. Donc vous avez une fuite des acides aminés, du glucose, du phosphore et même de l'acide urique et des bicarbonates. Donc c'est un syndrome aussi, donc c'est une forme congénitale. Vous avez aussi certaines tumeurs mésenchymateuses, d'accord, qui vont engendrer une anomalie de réabsorption tubulaire du phosphore et une anomalie de réabsorption intestinale et tubulaire du phosphore, telles que les hémangiomes, les fibromes, des fibrosarcomes, c'est des tumeurs qui vont sécréter donc des substances qui s'opposent à la réabsorption intestinale du phosphore et la réabsorption intestinale rénale du phosphore et ils vont engendrer une ostéomalacie secondaire à un état d'hypophosphatémie chronique. D'accord. Bien sûr, il y a d'autres étiologies donc à citer, les consommateurs de gel d'alumine. Attention, donc des gels d'alumine tels que le Malox, d'accord. Voilà, attention, ok. C'est des sujets qui sont très susceptibles à développer donc, des ostéomalacies, voilà, parce que ils vont donc ces gels d'aluminique seront très toxiques pour la vitamine D, voilà, et ceci va engendrer un état d'hypocalcémie, et d'hypophosphorémie chronique pouvant donner secondairement des automalacies. Vous avez le fluor, vous avez des affections qui sont dues à l'excès de fluor, des fluorosomoses. Vous avez aussi les biphosphonates. Les biphosphonates qui sont des traitements anti-ostéoclastiques, et on aura l'occasion de les voir dans certaines affections, telles que l'ostéoporose, la myopagène et tout. Donc, c'est des molécules anti-résorbantes, d'accord, qui agissent contre l'induction seule. Et vous avez donc les biphosphonates de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, et c'est surtout les formes de première génération qui vont engendrer des osteomalacies secondaire par défaut, ils vont donc s'opposer à la réabsorption intestinale du calcium. Donc toujours donner du calcium, de la vitamine D en association. On a donc avec les troisième générations, on a moins de risque de développer ce type de complications. Le traitement, il fait appel donc l'hygiène alimentaire, un régime très riche en calcium. Donc, consolément et la vitamine D selon les types de formes, vous allez trouver ça bien détaillé.